13h15 dans les studios de la radio associative indépendante Bonnet FM, même heure à l'avenue M Forest numéro 33, c'est à Tiarama, quartier de la zone Kinama, même heure au siège de l'Oricom et à la présidence de la République du Burundi, le journal en français. Le journal avec Willy Sintaiheura. La mise en onde est assurée par Nikki Inez. D'abord le sommaire. Capitaine Bakidje Eric, seigneur militaire de l'armée burundaise, n'est plus sur la terre des vivants, mais plus, c'est dans cette édition. Oricom a jugé bon d'adresser une correspondance au président de la République du Burundi, les raisons et les doléances. C'est dans son journal également. C'est le tour de la pénurie et flambée de prix de pain et de l'huile et de coton, respectivement à Kayanda et dans la capitale économique Bujumbura, vous l'entendrez dans cette édition. Et c'est lundi, comme à l'accoutumée, l'actualité sportive est au rendez-vous, bienvenue. Bon après-midi et bienvenue encore. Débutons par la sécurité, un corps sans vie d'un officier de l'armée burundaise, capitaine Eric Seigneur Bakidje, retrouvé la nuit de ce dimanche 15 août à Tiarama, quartier de la zone Kinama, commune urbaine de Nahangwa. La police et l'administration à la base affirment avoir trouvé le corps de ce militaire allongé au lit dans un bain de sang. Une douille, une cartouche et un pistolet à côté de lui et se serait tiré dessus. Le corps sans vie a été évacué vers la morgue. Probablement, capitaine Bakidje ne cohabitait plus avec sa femme depuis 4 ans et vivait seul dans cette maison. Et les dernières communications dataient de ce vendredi 13 août. La police souligne que les enquêtes sont en cours. Radio associative indépendante Bonnet FM, je vous rappelle que vous nous captez au 102.4 depuis Manga, 87.7 pour le sud du Burundi depuis Inanzegwe et 96.8 depuis la capitale économique Bujumbura. Le journal continue après une courte pause. L'Observatoire de lutte contre les marginalisations économiques, Oricom, demande au président de la République d'amnistier les prisonniers d'opinion et politique. Propos figurant dans une correspondance adressée au président de la République, Evariste Ndayishimiye, avec objet relance économique et instauration de la bonne gouvernance et cohésion sociale au Burundi. Pour Gabriel Rufyiri, président de l'Oricom, le gouvernement burundais devrait tout faire pour que le Burundi en exil retourne dans le pays pour parvenir à un développement durable. Gabriel Rufyiri, président de l'Oricom. L'intention par rapport au discours du président de la République renonce. Si certaines actions que nous observons, mais l'Oricom a jugé bon de lui remercier, mais aussi de donner certains points d'amélioration pour que le Burundi puisse être réellement un Burundi meilleur. Ici, nous avons parlé vraiment des réfugiés et contre les réfugiés. Nous avons parlé des prisonniers d'opinion et prisonniers politiques et des prisonniers en général. On a demandé à ce que les prisonniers d'opinion et prisonniers politiques et même d'autres prisonniers, qu'il y ait vraiment amnistie générale accompagné par une politique de l'éducation. Dans ce même chapitre, nous avons demandé à ce qu'il y ait une stratégie claire pour que tous les réfugiés trouvés à l'étranger puissent rentrer sans problème. Ça c'est un de deux. L'Oricom a suggéré qu'il y ait la continuité de cette politique extérieure pour nouer des relations avec la communauté internationale. Nous avons vu que le président de la République a déjà vraiment amorcé pas mal de choses, mais aussi avons suggéré à ce que la question de la gouvernance, de la lutte contre la corruption, de la transparence soit une question importante comme le président de la République a déjà commencé à le faire. C'était Gabriel Rufyiri, il est président de l'Oricom. Commerce à présent, le prix de l'huile de coton a été revu à la hausse au sud de la capitale économique Bujumbura en zone Kanyosha. L'huile de coton qui s'achetait à 300 maintenant s'achète à 800 francs. Certains commerçants affirment qu'ils ont jugé mieux de ne pas s'en approvisionner parce qu'ils travaillent à perte et demandent aux instances habilitées de trouver solution à ce problème pour le bien de la population. Alice Ndaidei. Au sud de la capitale économique Bujumbura, en zone Kanyosha, le prix de l'huile de coton a été revu à la hausse. L'huile qui s'achetait à 300 francs s'achète aujourd'hui à 800 francs. Pour ceux qui achètent l'huile de coton pour pouvoir l'utiliser pendant plusieurs jours, une bouteille de 1,5 litres s'achète entre 10 000 francs et 12 000 francs, alors qu'il s'achetait auparavant à 6 000 francs. Certains commerçants affirment qu'ils jugent mieux de ne pas s'en approvisionner du fait qu'ils travaillent à perte, bien que leurs clients se lamentent toujours. Un seau de 10 litres s'achète entre 75 000 francs et 80 000 francs et un bidon de 5 litres est acheté entre 40 000 francs et 45 000 francs. Certains acheteurs qui utilisaient l'huile de coton pour préparer le repas affirment qu'ils utilisent aujourd'hui l'huile de palme, même si ce dernier a été aussi revu à la hausse parce que selon ces acheteurs, pour avoir l'huile de coton nécessaire pour la préparation du repas en famille, pas facile à trouver. Les commerçants et les acheteurs de ce produit demandent aux instances habilitées de faire de leur mieux pour trouver solution à ce problème. Merci Alice Ndaidei. Et non seulement l'huile de coton, vers Kayanza, le pain devient de plus en plus rare au chef-lieu de cette province. Les commerçants indiquent que c'est à cause de la hausse des prix des produits de la base dans la fabrication du pain. Les consommateurs de ce produit déplorent que le prix est passé de 250 à 300 francs le pain. Janvier Kanyana, administrant la commune Butaganzwa, l'une des communes de la province Kayanza, ne nie pas les faits, mais indique toutefois que la majorité de la population de Kayanza préfère le pain du blé produit localement. Le point avec Emery Charnyonguru. Aha ufisa magana tano wa horugura imika tibi norumbu ubovori jeko ijan rumba. C'est l'un des consommateurs de pain au chef-lieu de la province Kayanza au nord du Burundi qui indique que le pain s'est imposé dans cette province à cause de la hausse des prix des produits de base dans la fabrication du pain. On nous dit que c'est à cause de la rareté de la farine. Tout a été revu à la hausse, même l'huile de coton. Auparavant, on achetait des pains à 500 francs bout, mais aujourd'hui, on l'achète à 600 francs bout. Donc, ça m'est impossible de m'en approcher car tout est cher. Ce boulanger rencontré au chef-lieu de la province Kayanza nous a révélé que cette situation vient de durer 6 mois dans cette province du Nord. La farine est introuvable, de même que l'huile de coton, sans oublier le sucre. C'est vraiment déplorable. Ça fait déjà 6 mois. Les consommateurs de ce produit demandaient que le prix de la farine soit revu à la baisse pour permettre à la population de Kayanza à consommer du pain. Nous demandons que la farine soit revue à la baisse jusqu'à son ancien prix, sinon ça nous cause des ennuis. Jean-Vier Kanyana, administrateur de la commune Butaganzwa, ne nie pas les faits, mais précise toutefois que la majorité de la population de la province Kayanza consomme le pain produit localement à base de blé. Concernant le pain, nous consommons le pain produit localement à base de blé et ce dernier ne cause pas de problème. Sinon, on peut aussi accepter que c'est aussi lié à la rareté de la farine. La rareté de pain avait été également signalée ces derniers jours dans d'autres provinces du pays comme Bururi. Au sud du Burundi, la pénurie de sucre et de l'huile de coton étant à l'origine de cette rareté. Merci, Emer Richard Nyonguru, en direct sur la page Facebook de la radio Bonesha FM, dit Bonesha FM. Vous êtes entré dans nous capter en direct après une courte pause actualité sportive. La semaine écoulée a été caractérisée par l'ouverture du championnat national Primus League. Les rencontres de la première journée se jouaient entre Bumamuru et Buja City, Flambeau de l'Est et Burundi Sport Dynamique. Olympic Star et les Cocos ont joué respectivement contre Aigle Noir et Kayanza United. Le point avec Vena Nyomungere. Le championnat national de Primus League a débuté vers la fin de la semaine écoulée. Samedi le 14 août 2021 au stade Runani, Bumamuru a battu 3 buts à 2 de Bujumbura City pour le match comptant pour la première journée du championnat. Le même jour, au stade de Ruyigi, Frambo de l'Est s'est imposé face à Burundi Sport Dynamique par un score de 1 but à 0. Olympique Star de Muyinga, dévasté Sporter, a battu Kayanda United 1 but à 0. C'est au moment où, au stade Ngurunziza, Puce Park Complex de Makamba, Aigle Noir a corrigé les crocos de Biza 1. Dimanche le 15 août, Atletico New Oil au stade Mucho s'est imposé face à Royal FC de Muramza par un score de 1 but à 0. Au stade Gatoire de Kayanza, Frambo du centre de Gitega a crucifié Top Junior 3 buts à 0. C'est au moment où, le même jour, les équipes Musonga TFC et Vitalo FC ont fait match nil. Il reste une rencontre comptable pour la première journée du championnat qui va opposer Rukinzo à Messager Ngozi. Toujours au football, une finale du tournoi de la première dame a été remportée par PVP Buyenzi en s'imposant face à Fofira par un score de 4 buts à 2. À côté du trophée, PVP Buyenzi a également reçu une enveloppe de 2 millions alors que Fofira battu a reçu quant à elle une enveloppe de 2 millions. En Europe, les championnats ont également débuté. En Espagne, les équipes comme Real de Madrid, Barcelone et Atlético de Madrid ont décroché leur première victoire. En Angleterre, à l'instar de Manchester City et Arsenal qui sont tenus en échec, d'autres comme Manchester United, Liverpool et Chelsea ont remporté les victoires. La Juventus en Italie a aussi décroché ses 3 points. Alors que le Bayern en Allemagne a fait match nul, le Paris Saint-Germain de France a remporté la victoire. Actualité internationale. À l'international, débutons par Zambie. L'opposant zambien Hakainde Hichilema, âgé de 59 ans, a très largement remporté les élections présidentielles face au sortant Edgar Lunga, a annoncé la commission électorale. Très tôt, son lundi 16 août, il a battu son rival de toujours, le président sortant Edgar, avec 2 800 000 voix, soit près d'un million de plus que le président sortant a annoncé Esaou Choulou, président de la commission électorale nationale indépendante devant la presse. L'effondrement du gouvernement afghan et le retour des talibans ont entraîné l'évacuation de la plupart des chanceliers à présent à Kaboul, à l'exception notable pour l'instant des ambassades de Chine et de Russie. Pékin juge durement cela comme défaite américaine. 13h29, nous voilà dans les dernières lignes de ce journal. Mais avant que nous nous quittions, le rapide rappel des grands titres. Capitaine Bakije Eric, seigneur militaire de l'armée burundaise, n'est plus sur la terre des vivants. L'ICOM a jugé bon d'adresser une correspondance au président de la République du Burundi. Les raisons et les doléances, c'était dans cette édition. De la pénurie est flambée du prix de pain et de l'huile et de coton, respectivement à Kayanza et dans la capitale économique. Vous l'avez aussi entendu, l'actualité sportive était aussi au rendez-vous. Nous voilà à destination de ce journal. Merci pour votre fidélité. Merci à tout un chacun pour sa collaboration et surtout merci à Niki Neza qui était de l'autre côté vitré. Le journal vous a été présenté par Willy Sindayeboula et un excellent bon après-midi et gardez l'écoute.